les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Ne pas confondre Sheridan et Sheridan le Fanu, le second, auteur de textes fantastiques, étant le petit-neveu du premier. Sheridan, le romancier, auteur dramatique, homme politique, qui nous intéresse cette nuit, il critiquait la littérature sentimentale qui s'était répandue en Angleterre et avait, selon lui, contribué à édulcorer les consciences. Dans l'anthologie étrangère qui suit, de nombreux passages de ces pièces de théâtre nous permettront de faire connaissance avec cet auteur, auteur entre autres pièces de l'école de la médisance. Combien il est difficile de faire bonne figure et de rester soi-même dans une société qui a perdu le sens commun par la manie de tout déprécier. Première diffusion sur France 3 Nationale, le 20 février 1963. RTF France 3 Nationale présente une émission de Pierre Cipriot consacrée à Richard Brinsley Sheridan avec Micheline Boudet, sociétaire de la Comédie Française, Madeleine Barbulet, Anne Chaubaud, Dominique Page, André Cellier, Pierre Delbon, Christian Lude et Jean Mercure. Réalisation Georges Gravier. Richard Brinsley Sheridan est né à Dublin en 1751. Très jeune, il quitte cette ville, étudie à Harrow, se marie à Bass avec la fille du compositeur Linley, engage sa carrière d'auteur dramatique avec des farces, un opéra comique, enfin trois comédies, Les Rivaux 1775, L'école de la médisance 1777, Le critique 1779 et une tragédie, Pizarro 1799. D'abord directeur du théâtre de Trorelen, il entre au Parlement en 1780, devient secrétaire d'État. Il fait campagne avec Fox contre Warren Hastings, qui défendait avec âpreté les intérêts de la Compagnie des Indes. Tous deux attaquent avec courage les exactions de la colonisation, ces négligences criminelles qui ont laissé périr des milliers d'hommes. Plus tard, dans la période de 1792 à 1815, qui est celle de la guerre contre la France, mais aussi celle des grands débats sur la loi des pauvres, tour à tour bienveillante et rigoureuse selon les fluctuations de la propagande jacobine qui veut aussi révolutionniser l'Angleterre, Sheridan emploie ses forces à faire admettre dans son pays les principes de la Révolution française. Avec Fox encore, il est l'un des promoteurs de l'assouplissement des structures anglaises à la veille de la Révolution capitaliste. Il meurt en 1816. À l'arrière-plan des comédies de Sheridan, il y a tout d'abord, comme chez ses compatriotes irlandais Bernard Shaw et Joyce, l'amour de la vie et de ses manifestations perpétuellement renouvelées. C'est par là qu'il est l'auteur dramatique. Ce qui fait l'homme de théâtre, en effet, c'est le désir de mettre les sentiments en action, alors que le romancier, lui, traduira l'action en sentiments. De là l'emploi dans le théâtre de Sheridan si fréquent du déguisement qu'il utilise comme Marivaux. Marivaux, ce prince travesti dont Jean de Beyre présente l'œuvre en ce moment sur France 3. Marivaux dont la garde-robe, on s'en aperçut quand il mourut, pouvait par son luxe et sa variété lui ouvrir la porte d'un monde magnifique. Se déguiser, en effet, c'est se donner la possibilité de toutes sortes de métamorphoses, faire entrer en soi des modes imaginaires, ouvrir les portes de sa sensibilité à tous les sentiments. C'est aussi quitter son corps et se manifester en pleine gloire, tel qu'on veut être ou tel qu'on rêve d'être, donc concevoir l'homme plus grand, à la mesure d'un monde qui est lui aussi changement et où il faut faire face et bonne figure à la destinée capricieuse en étant plus embrouillé qu'elle. Se déguiser, c'est enfin être seul dans un monde autre, donc échapper au piège d'une société que les conventions ont faussée. L'apparence du travesti est plus proche de la sincérité du cœur que les artifices d'un monde soumis aux convenances. Le travesti, c'est un mensonge qui dit toujours la vérité. Dans ce milieu rigide de la société classique, où chacun est mis à une place attitrée, qu'il n'a pas choisie, qui lui est imposée par la naissance, le rang, les titres, l'argent, les convenances, les combinaisons de l'intérêt, le travesti est la seule évasion possible par la prérogative donnée au rêve. L'homme n'est jamais plus semblable à lui-même que lorsqu'il est un autre et tente un instant de couper le cordon ombilical qui le retient à une famille, à un rang, etc., et cela pour retrouver sa seule hantise. Prenons les rivaux de Sheridan. Tout le monde y rêve debout et tente d'imposer aux autres l'image qu'il se forme de lui-même et des autres. Une vieille tante coriace, Mrs. Malapropre, fait bonne garde autour d'une jeune fille, Lydia. Tout en envoyant sous le nom de Delia des lettres incendiaires à un grand bénet d'Écossais, Sir Lucius. Mais ce qui est illusion ici est vérité ailleurs. S'apercevant de sa fragilité, Mrs. Malaprop soupçonne Lydia des mêmes égarements. En effet, Lydia est amoureuse d'un certain Beverley, sous-lieutenant de Missold. « Cette petite sotte, dira-t-elle à Sir Antonio Absolute, un gentilhomme qui a de la fortune, elle sent le besoin de se discréditer en se donnant gratis à un individu qui ne vaut pas un shilling. » C'est que Mrs. Malaprop veut marier Lydia avec le fils de Sir Absolute, le capitaine Absolute, un baronnet qui possède 3000 livres de rente. En fait, le capitaine Absolute et le sous-lieutenant Beverley sont une seule et même personne. Jusque-là, tout est bien, car les mensonges du capitaine Absolute se rencontrent fort bien avec le romanesque de Lydia qui passe son temps à lire la littérature sentimentale à la mode. L'amour de Lydia pour Beverley, stimulé par l'irréalité de l'intrigue, va-t-il diminuer ou augmenter lorsqu'il se présentera sous des aspects plus normaux? Au fur et à mesure que nous tournons les pages de cette intrigue, où les mystères des uns et des autres obligent à progresser dans le noir, seulement guidés par les intrigues embrouillées d'une suivante Lucie qui met tout le monde dans son sac, peu à peu la situation, quand même, perdra du bizarre. Beverley redeviendra ce qu'il est, le capitaine Absolute, mais l'amour de Lydia traverse alors une crise à mesure que ses sentiments pour Beverley lui paraîtront moins étranges. « Tandis que je me plaisais, dira-t-elle au quatrième acte, à imaginer que nous trompions nos parents, que je ne me flattais à les exaspérer tous, je vois mes espérances s'effondrer tout à coup avec le consentement et l'approbation de ma tante. Il faudra donc d'autres péripéties, un duel, pour que Lydia et le capitaine Absolute se retrouvent comme si certaines âmes ne pouvaient accepter d'être distraites du mystère qui les enveloppe. Écoutons un fragment du premier acte des rivaux. Nous sommes dans l'appartement de la tante de Lydia, Mrs. Malapropre. Lydia est assise sur un sofa, un livre à la main. Lucie vient de faire une commission. « Sans mentir, madame, j'ai parcouru la moitié de la ville à sa recherche. Bath ne renferme pas un cabinet de lecture où je n'ai été. »« Et pas moyen de mettre la main sur la constance récompensée ?»« Non, madame. »« Ni sur la liaison fatale ?»« Pas davantage. »« Ni sur les méprises du cœur ?»« Oh, nous n'avons pas de chance. Mr. Bull m'a dit que Miss Suckesanter venait de les envoyer chercher. Oh, »« Vous êtes-vous informée de la douleur délicate ?»« Ou la mémoire de Lady Woodford ?»« Je n'y aurais manqué. Je l'ai demandé partout. » Et je vous la rapportais de chez M. Frédéric si Lady Slatternoomer, qui venait de l'y retourner, n'avait eu soin de la déchirer et d'y faire des cornes, au point de la rendre illisible pour un chrétien. Oh mon Dieu, il est aisé de savoir quand Lady Slattern vous a devancé. Elle a le pouce le plus observateur que je sache. Ah. Et je crois qu'elle ne soigne ses ongles que pour annoter les marques. Enfin, que m'avez-vous apporté? Ah, voici, madame. Le nœud gordien. Mmh. Pickle, le pèlerin. Les larmes de la sensibilité. Onfroid, le sonneur. Les mémoires d'une dame de qualité, écrites par elle-même. Ah, enfin, le second volume de la journée sentimentale. Et celui que je vois dans la glace? Ah, les devoirs complets de l'homme. Donnez-moi mes selles. Ils sont dans la couverture bleue, madame. Saute! Je vous demande mon flacon. Ah, vous voulez parler de vos gouttes? Les voici. Attendez! On vient. Allez voir doucement qui est là. Ah. C'est la voix de ma cousine Julia. Madame, c'est Miss Melville. Est-elle possible? Oh, ma très chère Julia, combien je suis ravie! Quel bonheur inattendu! En vérité, Lydia, tout le plaisir est pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe? On m'a d'abord répondu que vous n'y étiez pas. Ah, Julia, que j'ai de choses à vous raconter. Dites-moi avant tout ce qui vous amène à Bath. Sir Anthony serait-il ici? Il y est. Nous sommes arrivés il y a une heure. Aussitôt habillé, je suppose qu'il viendra présenter ses devoirs à Mrs. Malaprop. Alors, pendant que nous sommes seuls, laissez-moi vous conter quelques-unes de mes infortunes. Je sais que votre cœur généreux m'accordera toutes ses sympathies, même si votre sagesse voulait me les refuser. Mes lettres vous ont tenu au courant de ma liaison avec Beverley. Oui. Eh bien, Julia, Beverley est perdu pour moi. Ma tante a surpris nos relations en interceptant une lettre, et telle que vous me voyez, je suis sa prisonnière. Ce n'est pas tout, et vous n'allez pas me croire. Mrs. Malaprop est devenue amoureuse d'un grand bonnet d'Écossais qu'elle a rencontré un soir à un raout donné par Lady Macshuffle. Vous plaisantez? Rien n'est plus sérieux. Elle lui écrit sous un nom supposé des lettres incendiaires, jusqu'au jour où elle se fera connaître. Jusque-là, elle s'appelle Delia ou Celia. C'est une raison pour qu'elle ne se montrât plus indulgente à votre égard. C'est juste le contraire qui a lieu. Depuis qu'elle s'est aperçue de sa propre fragilité, elle soupçonne la mienne. Mais là n'est pas le dernier des fléaux qui me menacent. L'odieux Hackers doit être en ce moment à Bath. Oh, vous le voyez, il y a de quoi avoir plus d'un accès de mélancolie. Oh, voyons, Lydia, il ne faut pas désespérer. Sir Anthony usera de son influence auprès de Mrs. Malaprop. Tout cela n'est rien encore. Je me suis querellée avec mon pauvre Beverley avant la découverte de ma tante. Et depuis, je n'ai plus eu l'occasion de le revoir et de me raccommoder avec lui. Que vous avait-il fait? Rien du tout. Je n'ai rien compris. Tant que nous nous sommes trouvés ensemble, nous n'avons jamais eu un mot. J'étais même effrayée de voir qu'il ne m'en fournissait pas l'occasion. Si bien que, jeudi dernier, je me suis écrite une lettre m'avisant qu'il faisait la cour à une autre femme. Et je l'ai signée, une amie inconnue. Je la montre à Beverley, je l'accuse de trahison, je me mets dans une violente colère, je jure de ne jamais plus le revoir. Et vous l'avez laissé partir dans ces conditions? Et vous ne l'avez plus revu? Le lendemain, ma tante découvrait un autre grief. Et voilà comment, ne voulant le taquiner que pour quelques heures, je l'ai perdu pour toujours. Oh, vous me l'avez dépeint trop méritant et trop sincère pour qu'il vous abandonne ainsi. Maintenant, réfléchissez bien, Lydia. Ce n'est qu'un simple sous-lieutenant et vous possédez 30 000 livres. Que je perds entièrement si avant ma majorité je me marie sans le consentement de ma tante. Ce que, entre parenthèses, je suis décidée à faire en dépit du châtiment qui m'attend. Aimerais-je un homme qu'une semblable alternative ferait patienter, même un jour? Oh, pur caprice. Quoi? C'est Julia qui m'accuse d'être capricieuse? Je croyais que c'était l'un des défauts auquel l'avait depuis longtemps habitué Falkland. Je ne pousse pas l'aveuglement jusqu'à aimer ses défauts. À propos, vous l'avez envoyé chercher, je suppose? Pas encore. Il ne saurait soupçonner ma présence ici, et la résolution de Sir Anthony a été si soudaine que je n'ai pu l'en informer. Si maîtresse que vous soyez de vous-même, Julia, et malgré la protection de Sir Anthony, vous n'en avez pas moins été depuis une longue année l'esclave des caprices, des fantaisies, des jalousies de l'ingrat Falkland. Trop sûr de lui-même pour renoncer aux droits d'un époux, tandis que vous lui laissiez prendre l'empire d'un amant. Oh, vous avez tort. Nous étions fiancés avant la mort de mon père. Cette mort et les embarras qui en résultèrent retardèrent ce que je sais être le plus ardent désir de mon Falkland. Il a l'esprit trop haut placé pour abuser d'une situation, et vous jugez mal son caractère. Il est trop fier et trop noble pour être jaloux. Et s'il l'était, ce serait sans feinte. De même que s'il devenait irritable, ce serait sans rudesse. Au-dessus des fourberies de l'amour, il peut négliger certains petits détails que l'on attend d'un amant, mais la franchise de sa passion est la garantie de son ardeur. Et comme elle a envahi son âme entière, il est en droit d'exiger que le cœur de sa maîtresse batte à son unisson. Son orgueil lui permet de supposer qu'il peut être aimé autant qu'il aime, et son humilité l'empêche de voir les qualités qui lui donneraient des droits à cette juste réciprocité. Si bien que, ne sachant plus pourquoi il serait aimé autant qu'il voudrait l'être, il redoute volontiers de ne l'être pas assez. Son caractère lui a valu bien des heures pénibles. Aussi ai-je pris la résolution de me considérer comme sa débitrice, ses imperfections n'existant plus devant la grandeur de son attachement. Je ne vous blâmerai pas de le défendre. Et pourtant, à part les francs, s'il ne vous avait pas sauvé la vie, l'aimeriez-vous à ce point? L'ouragan qui a fait chavirer votre bateau n'était décidément qu'une bise d'amour soufflant pour lui. La reconnaissance peut avoir augmenté l'amour, mais il ne l'a pas fait naître. Aussi bien, un tel dévouement n'aurait-il pas mérité une semblable récompense? Un épagnol eût agi comme lui. L'idée ne me viendrait pas de donner mon cœur à un homme sous prétexte qu'il sait nager. Oh, Lydia, vous êtes par trop inconséquente. Je plaisantais. Qui vient là? Madame, Sir Anthony Absolute arrive avec votre tante. Oh, ils ne viendront pas ici. Lucie, faites sentinelle. Je vais vous quitter. Sir Anthony ignore que je suis ici, et si je me trouve avec lui, il voudra me faire visiter la ville. Je saisirai une autre occasion de présenter mes respects à Mrs. Malaprop. Et alors, elle pourra se montrer aussi prodigue qu'elle le voudra de ces phrases choisies, au mauvais usage desquelles elle met tant d'ingéniosité, mais qu'elle prononce si bien. Mais voici qu'il rentre. Ma cousine, je ne vous retiens pas. Adieu. Vous devez avoir hâte d'envoyer chez Falkland. Au fond de ma chambre, vous trouverez un escalier dérobé. Adieu. Maintenant, Lucie, cachez ces livres. Vite, vite, vite. Pickle le pèlerin sous la toilette. Roderick Rodham dans le cabinet. Mettez l'adultère innocent dans les devoirs de l'homme. Oui, madame. Lord Emworth sous le sofa. Ovide sous le traversin. Là, là. L'homme de sentiment dans votre poche. Bon, maintenant, placez Mrs. Shepone bien en vue et laissez les sermons de Fordyce ouverts sur la table. Oui. Brûlez-les, madame. Le coiffeur en a arraché les pages jusqu'au chapitre de l'amour-propre. Ne faites pas attention. Ouvrez à celui de la sobriété. Ah. Jetez-moi les lettres de Lord Chesterfield. Oui. Maintenant, je suis à eux. Sir Anthony, vous allez pouvoir vous faire une idée de cette petite sotte qui sent le besoin de discréditer sa famille en se donnant gratis à un individu qui ne vaut pas un schling. Je pensais, madame. Vous pensiez. Je ne vois pas d'affaire auquel vous puissiez penser. Penser n'est pas ce qui convient à une jeune personne. Maintenant, ce que nous voulons obtenir de vous, c'est la promesse d'oublier cet individu, de le rayer à jamais de votre mémoire. On ne commande pas à sa mémoire, madame. Elle est difficile d'oublier. Vous vous trompez, mademoiselle. Quand on veut bien s'y appliquer, rien n'est plus aisé que l'oubli. Tenez-moi, par exemple, je ne me souviens pas plus de votre pauvre oncle que s'il n'avait jamais existé. Aussi bien, laissez-moi vous le dire, une mémoire aussi obstinée n'est pas de votre âge. Elle ne se rappelle que ce qu'elle veut bien. C'est la conséquence de ses lectures. Quel crime ai-je commis, madame, pour être traitée de la sorte? Ne cherchez pas à vous extirper. Vous savez que je possède des preuves disputables. Ah. Voulez-vous obéir? Voulez-vous prendre un mari du choix de vos amis? J'aime mieux vous l'avouer franchement, madame. En supposant que je n'aimasse personne, il suffirait que vous fissiez un choix pour qu'il me déplût. Que signifient, mademoiselle, ces préférences et ces aversions? Cela est indigne d'une jeune personne. Il n'y a pas de préférence éternelle et d'aversion non plus. Je conclus qu'il est parfois plus prudent d'entrer en ménage avec un peu d'aversion. Avant de l'épouser, je détestais votre pauvre oncle, autant que s'il eût été un nègre. Ce qui ne m'a pas empêché de remplir dignement mes devoirs d'épouse. Et quand il a plus au ciel de le rappeler, Dieu sait ce que j'ai versé de larmes. Voyons, si l'on vous proposait un autre parti, consentiriez-vous à oublier Beverley? Je mentirais à ma conscience en le promettant, et ma conduite contredirait bientôt mes paroles. Oh, rentrez dans votre chambre. Vous n'êtes bonne qu'à tenir compagnie à votre méchante humeur. Volontiers, madame. Je ne perdrai pas au change. Oh. Voilà une petite coquine à laquelle vous ne devez rien comprendre. Elle n'a pas lieu de m'étonner, madame. Tout cela est la conséquence naturelle de l'instruction donnée aux filles. Si j'avais eu un millier de filles, pas une n'aurait été initiée aux noirceurs de l'alphabet. Oh, vous êtes un misanthrope. Durant mes promenades, 4 fois, j'ai vu la femme de chambre de votre nièce sortir d'un cabinet de lecture. Elle avait un livre à chaque main, des volumes à moitié reliés avec des couvertures marbrées. À partir de ce moment, j'ai jugé la maîtresse. Le cabinet de lecture est en effet un endroit dangereux. Un cabinet de lecture dans une ville, voyez-vous, c'est l'arbre toujours vert des connaissances du diable. Il fleurit d'un bout de l'année à l'autre. Et ceux qui ressentent du plaisir à en toucher les feuilles sont infailliblement condamnés à en goûter les fruits. Allons, allons, Sir Anthony, vous parlez laconiquement. Oui. Eh bien, parlons sérieusement, Mrs. Malaprop. Et dites-moi, jusqu'où vous voudriez qu'elle lasse les connaissances d'une femme? Écoutez-moi donc avec attention, Sir Anthony. Je n'aurais voulu, à aucun prix, que ma fille augmentât le nombre des femmes savantes, étant d'avis qu'un excès d'érudition est déplacé chez une jeune personne. J'aurais écarté d'elle le grec, l'hébreu, l'algèbre, les paradoxes et autres brandons à s'en dire de la science. Je l'aurais dissuadée des mathématiques et de l'astronomie, autant d'instruments diaboliques. À 9 ans, je l'aurais envoyée en pension pour qu'elle apprît à être intelligente et ingénieuse, et qu'on lui donnât une idée superstitieuse du calcul. Plus tard, je lui aurais permis la géométrie et quelques notions sur les pays apostrophes. Et ce que j'aurais voulu par-dessus tout, c'eût été de l'avoir maîtresse en orthodoxie et en orthographe. J'aurais également désiré qu'elle s'exprimât avec plus d'élégance que les autres petites filles. En un mot, qu'elle sût peser un peu le poids de ses paroles. Voilà, Sir Anthony, comment à mon avis une femme doit être éduquée. Et je crois qu'on aurait mauvaise grâce à taxer ma méthode de méthode superstitieuse. Je ne pousserai pas la discussion plus loin, tout en reconnaissant que vous raisonnez avec autant de modération que d'aménité, puisque plusieurs de vos paroles me donnent raison. Maintenant, revenons au point important du débat. Avez-vous une objection à faire à ma proposition ? Aucune. Je n'ai pas d'engagement positif avec Mr. Hearst. Et puisque Lydia ne veut pas en entendre parler, votre fils a des chances d'être mieux accueilli. Je vais donc lui écrire sans plus tarder. Il ignore complètement mes intentions, bien que je les roule depuis quelque temps déjà dans ma tête. En ce moment, il est avec son régiment. Nous n'avons jamais vu votre fils, mais j'ai tout lieu d'espérer que de son côté, nous ne trouverons pas d'obstacles. Des obstacles ? Je voudrais bien voir qu'il osa en créer. Rassurez-vous, Mrs. Malaprop, Jacques n'ignore pas que la moindre hésitation de sa part m'irriterait tout de suite. J'ai toujours employé un moyen bien simple. Quand Jack était petit, je lui disais « Jack, faites ceci !» S'il hésitait, je le corrigeais. Au moindre murmure, je le flanquais dehors. Je ne connais pas de meilleur procédé. La sévérité est encore ce qu'il y a de mieux pour la jeunesse. Je donnerai donc congé à Mr. Eggs et préparerai Lydia à recevoir le cœur de votre fils. Espérons que, de votre côté, vous voudrez bien ne pas la présenter au capitaine comme une énigme par trop indéchiffrable. C'est un sujet, madame, que j'aborderai avec prudence. Il me reste à vous prier de vouloir bien préparer rondement notre jeune fille à son nouveau rôle. Suivez mon conseil. Ayez une main de fer. Si elle résiste, mettez-la sous clé et sous verrou. Et si le besoin s'en fait sentir, arrangez-vous de façon que les domestiques oublient de lui apporter à dîner pendant 4 ou 5 jours. Vous verrez le changement soudain qui s'opérera en elle. De toute façon, j'ai tout à gagner en l'éloignant. Et là, je ne sais comment. Devinez mon penchant pour Sir Oettringer. Bon, ce n'est certainement pas Lucie qui m'a trahi, elle est trop sotte pour cela. Lucie ! Lucie ! Ça fait appeler, madame. Avez-vous vu Sir Lucius tandis que vous étiez dehors ? Non, madame, je n'ai pas rencontré le moindre Lucius. Vous êtes certaine de n'avoir jamais raconté ? Oh, Dieu ! Je me serais plutôt coupé la langue. N'en laissez pas imposer à votre naïveté. Rassurez-vous, madame. Approchez-vous. Je vais vous remettre une autre lettre pour Sir Lucius. Mais faites-y bien attention. Si jamais vous racontiez les secrets que l'on vous confie, à moins que ce ne soit à moi que vous racontiez ceux des autres, vous sentiriez, et pour toujours, le poids de ma sévérité, sans que votre naïveté vous puisse servir d'excuse. Ah. Oh, ma chère naïveté, je te permets de te reposer. Laisse les filles de ma condition se vanter de leur intelligence en affaires. Mets-leur un masque d'innocence et donne-leur des yeux vigilants pour surveiller leurs intérêts. Voyons le parti que j'ai su tirer jusqu'à présent de ma naïveté. Ah, pour avoir encouragé Miss Lydia Languish dans son dessein de s'enfuir avec un sous-lieutenant, argent comptant en plusieurs fois, 12 livres, 12 schlings, robe, 5, chapeau, bonnet, jabot, etc., etc., en nombre, incalculable. Du susdit sous-lieutenant, le mois dernier, 10 guinées et demie, à peu près le montant d'un trimestre. Item de Mistress Malaprop, pour tromper les jeunes gens à son profit quand je jugeais l'instant favorable, 2 guinées et une soirée de Padoue. Item de Mr. Harcross, pour lui avoir porté diverses lettres, que je n'ai jamais remises à leur adresse, 2 guinées et une paire de boucles. Item de Sir Lucius O'Trigger, 3 couronnes, 2 jetons d'or et une tabatière en argent. Merci, oh ma naïveté. Et encore étais-je obligée de faire croire à mon Irlandais qu'il correspondait, non avec la tante, mais avec la nièce. Il n'est pas riche, mais je lui trouvais trop d'amour-propre et de délicatesse pour sacrifier ses sentiments de gentilhomme aux exigences de sa fortune. Sir Lucius est généralement plus exact quand il s'agit d'avoir des nouvelles de sa chère Dahlia, comme il l'appelle. Oh, je suis étonnée de ne pas le voir. À part les francs, la fourberie tracasse un peu ma conscience, quoique mes bénéfices s'en ressentent. Oh, si mon héros savait que Delia frise la cinquantaine. Ah, ma chère petite ambassadrice, je vous cherchais. Voilà une demi-heure que j'arpente les semelades du Sud. Par exemple, j'attendais pendant ce temps-là votre honneur sur celle du Nord. C'est probablement la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas rencontrés. Ah. Je me demandais aussi comment vous auriez pu sortir sans que je vous visse. J'ai fait un petit somme au café de l'Esplanade et j'avais choisi exprès une fenêtre pour ne pas vous manquer. Oh, mes étoiles, je gagerais 6 pence que je suis passé devant vous pendant que vous dormiez. C'est probable. Jamais en m'éveillant, j'aurais cru qu'il fût si tard. N'avez-vous rien pour moi ? Si, une lettre. Une lettre ? Dans ma poche. Oh, quelque chose me disait que vous n'étiez pas venu les mains vides. Voyons ce que dit la chère créature. Oh. Voilà, Sir Lucius. Monsieur, il y a souvent dans l'amour quelque chose de si soudain et de si irrésistible que mon induction est plus grande que des années de combinaison domestique. Telle est la commotion que j'ai ressentie la première fois que j'ai vu Sir Lucius Hottrigger. On ne saurait être plus aimable. Ma ponctuation féminine me défend d'en dire davantage. Laissez-moi pourtant ajouter que ce serait pour moi une joie immense de trouver Sir Lucius digne du dernier critérium de mes attentions. Delia. Votre maîtresse, Lucie, a des façons admirables de s'exprimer. Oh. C'est la reine de tous les dictionnaires, puisque pas un mot ne refuserait de répondre à son appel. Même en supposant qu'il ne fût pas compris. Oh, c'est une femme d'expérience. Une femme d'expérience à 17 ans. Je me trompais. Ah, puisqu'elle improvise de la sorte, voyez ce que ce serait si elle voulait s'en donner la peine. Un pareil style accuse beaucoup de lecture, bien qu'il sente encore un peu l'arbitraire. Elle a mis au service de cette lettre une grande quantité de pauvres mots pressés les uns contre les autres et qui semblent demander les habeas corpus de quelques cours de Christendom. Oh, si vous saviez en quel terme elle parle de vous. Dites-lui que je la rendrai la femme la plus heureuse du monde en faisant d'elle par-dessus le marché une Lady Hottrigger. Oh. Mais il nous faudra obtenir le consentement de la respectable vieille qui la garde. Et ne rien faire qui dépasse les bornes de l'honnêteté. Je croyais que votre position de fortune vous interdisait tant de délicatesse. Vous venez de dire le mot. Je suis trop pauvre pour tenter une mauvaise action. Ah. Oh, si j'avais la fortune, je n'hésiterais pas à enlever votre maîtresse avec tout ce qu'elle possède. Malgré cela, voilà une petite somme pour vos rubans. Oh. Ce soir, je vous donnerai une réponse. Et de peur que vous ne l'oubliez, prenez... ce baiser. Oh, Sir Lucius, prenez garde. Si vous êtes si entreprenant, jamais ma maîtresse ne consentira à vous aimer. Oh, que si, ma chère. Comment appelez-vous ça? La modestie. Hein, est une qualité que, chez un amoureux, les femmes louent plus qu'elles ne la prisent. Oh. Si jamais votre maîtresse vous demande si je vous ai donné un baiser, dites-lui que je vous en ai pris 50. Oh, je mentirai à ce point? Je t'éviterai donc l'occasion de mentir. Oh, mais soyez prudent, on vient. Je rassurerai bientôt ta conscience. Le dernier mot de la comédie des rivaux, c'est Julia, la cousine de Lydia, qui l'aura. Puisque l'espérance, dira-t-elle à Lydia et au capitaine Absolute, est en train de peindre notre félicité à venir, méfions-nous de ces couleurs trop brillantes pour être durables. Quand des cœurs dignes d'être heureux unissent leur destinée, la vertu les couronne de modestes fleurs d'innocence qui ne doivent pas se flétrir. Mais la passion, mauvaise conseillère, peut y mêler une rose éclatante dont les feuilles éphémères tomberont en ne laissant plus qu'une dangereuse épine. Au fond, ce que le romanesque, après tâtonnement, combinaison, déviation, a créé, la seule tendance de la vie, simplement suivie, y aurait suffi, et de manière plus sensée. Sheridan emploie les artifices de l'intrigue comme autant d'illusions qu'il faut retoucher, rectifier, rétracter, pour atteindre et saisir, après toutes sortes de détours, les puissances natives de la raison et du sentiment, que nous laissons perdre au premier abord, car nous ne savons plus nous servir de ce que nous possédons. La société et ses jeux ont fait de nous des êtres artificiels, réorganisés, refaçonnés par la combinaison des représentations. Nous sommes contraints à la comédie, mais en poussant cette comédie jusqu'à l'absurde, l'auteur dramatique règle une fois pour toutes ce jeu de voltige et nous ramène à l'ordre naturel. Dans leur histoire de la littérature anglaise, Le Guy et Casamian soulignent, je les cite, que Sheridan est un observateur fin et pénétrant, non pas un psychologue. Il saisit les mouvements de la vanité et de l'envie mieux qu'il ne construit des caractères. En fait, et je crois qu'il faudrait dire que pour Sheridan, et nous l'avons vu dans ces scènes des rivaux, les caractères n'existent pas, ou rarement. Les êtres ne sont pas ceci ou cela, mais tous uniformes, pliables en tous sens, dociles les uns aux autres, par la mutabilité des goûts, la fragilité des personnalités, l'inconstance, la folie. L'humanité est faite de cette même impressionnabilité, où les manies, les modes, l'imposture règnent en maître, sans être contredites par la moindre incrédulité. Cette emprise du collectif sous sa forme saugrenue, thème que le théâtre moderne a repris et dont il a tiré des effets extraordinaires, pensons aux pièces de Salacrou et surtout à celles de Jules Romain, de Nogootonka, le Trouadec et Knock, qui montre que la vérité ne rencontre dans l'humanité nulle approbation, que c'est au contraire l'imposture, sous toutes ses formes, qui a le plus d'attrait pour la conscience commune. Eh bien, ce thème, dis-je, Sheridan l'a utilisé et remarquablement orchestré dans le Critique. La figure centrale du Critique, c'est Puff, que va interpréter Jean Mercure. Puff est un de ses premiers animateurs des organisations de diffusion des idées qu'utilise avec une maîtrise grandissante la publicité et qui cherche à convaincre l'humanité de ceci ou de cela, selon leur esprit, leurs caprices, leur intérêt et le goût du jour, en usant de quelques slogans d'autant plus efficaces qu'ils sont d'une monstrueuse bêtise. Puff, c'est déjà dans le Londres de la fin du XVIIIe siècle, la toute-puissance de la machinerie collective, et cela dans une ville qui annonce elle aussi les cités modernes, avec ses cortèges de voitures qui roulent à grande allure sur un pavé neuf, avec ses trottoirs bordés de pieux mettant les piétons à l'abri de la circulation, avec ses poteaux de bois portant des lanternes qui le soir illuminent les rues, avec ses cafés et leurs grandes rotondes, ces horloges publiques qui rappellent à toute une foule livrée à l'inertie du groupe que le temps c'est de l'argent et qu'on doit à chaque moment courir au plus pressé et devenir le prisonnier de ce rassemblement. Mon cher Puff. Mon cher Dangle, comment allez-vous? Monsieur Sneer, permettez-moi de vous présenter Monsieur Puff. Comment? Vous sauriez Monsieur Sneer? Ah, monsieur, vous voyez un homme qui désirait depuis longtemps vous connaître. Vous dont le talent de critique et le jugement transcendant... Mon cher monsieur... N'y mettez pas de modestie, Sneer. Mon ami Puff vous parle dans le style de sa profession. Sa profession? Oui, monsieur. Je ne fais pas un secret du commerce que j'exerce. Entre amis, entre confrères, Dangle sait que je m'ouvre franchement sur ce sujet, aimant à prévenir les gens viva voce que je suis un maître en l'art du panégyrique, ou, pour parler plus clairement, un professeur dans l'art du puffisme, à votre service ou à celui de quelqu'un d'autre. Vous êtes bien aimable. J'ai souvent admiré votre talent dans les feuilles quotidiennes. Je me flatte de faire dans ce genre autant d'affaires à moi tout seul que six de vos confrères. J'ai joliment travaillé cet été, ami Dangle. Jamais il n'a été plus difficile de... Mais les directeurs de théâtre d'hiver ont dû être un peu vexés, non? Je crois qu'ils l'ont pris en bonne part. Je crois plutôt que jusqu'ici, ils y ont mis un peu d'affectation. Il y a eu certaines attaques dont il n'y avait pas à se moquer. Et c'était les plus spirituelles. Je m'imaginais, monsieur Puff, que les auteurs pouvaient faire eux-mêmes ce genre de travail. Oui, mais ils le font maladroitement. Nous considérons d'ailleurs cela comme un empiètement et nous prenons la situation opposée. Vous croyez peut-être que la moitié des paragraphes ou annonces louangeuses que vous lisez ont été écrits par les parties intéressées ou leurs amis. Il n'en est rien. 9 fois sur 10, c'est moi qui, me plaçant sur le terrain des affaires, les ai rédigés. Vraiment? Même parmi les commissaires-priseurs, bien que le langage de ces coquins ait eu jadis du crédit, il n'y en a pas un capable de rédiger un article de quelque mérite. Hors de leur bureau, ils deviennent tristes comme des catalogues. C'est moi le premier qui ai enrichi leur style. C'est moi le premier qui leur ai appris à surcharger leurs annonces de panégyriques superlatifs, chaque épithète amplifiant sur l'autre, comme les enchérisseurs dans une salle de vente. Je leur ai montré comment on appuyait une phraséologie de métaphores exotiques. J'ai donné une poussée en avant à leurs facultés inventives. Vous leur avez rendu infiniment de service. À cette heure, un homme ruiné peut se défaire de sa maison avec bénéfice. Des services? Si l'humanité était un tant soit peu reconnaissante, elle devrait lui élever une statue, le représenter comme Mercure, le dieu du commerce et de la fiction, avec un marteau à la main en place de caducée. Monsieur. Dites-moi, monsieur Puff, qui vous a donné l'idée d'employer ainsi vos talents? La dure nécessité. Cette proche parente d'un art qui touche de bien près à l'invention. Vous devez savoir, monsieur Sneer, que lors de mes premiers essais dans l'annonce, j'obtins des succès qui me permirent de mener quelque temps une vie extraordinaire. Comment cela? Pendant 2 ans, j'ai vécu uniquement de mes malheurs. De vos malheurs? Oui, monsieur. Grâce à une longue maladie et autres maux d'occasion qui m'ont procuré une vie des plus confortables. Loin de la souffrance et du malheur, vous étiez à la fois le docteur et le malade. Du tout. J'avais pour ressource la maladie et la misère. Qu'est-ce que vous dites? La vérité. Grâce à 2 annonces. Aux hommes charitables et humains. Puis, à ceux que la bénédiction de Dieu a mis dans l'opulence. Je comprends. Oh, ben je ne volais pas ce que je gagnais. Jamais homme ne réunit autant de calamités dans un espace de temps aussi restreint. Monsieur, j'ai fait 5 fois faillite. Après avoir été riche, j'ai été 5 fois réduit à la pauvreté. Bien que je fusse un commerçant industrieux, j'ai été 2 fois incendié, ce qui à 2 reprises m'a coûté toutes mes économies. Ces 2 incendies m'ont nourri 1 mois. Je fus ensuite 2 fois frappé d'hydropisie, laquelle hydropisie tourna en phtisie. Puis je fus réduit... Non, je devins une veuve avec 6 enfants, dénuée de tout. Après avoir eu 11 maris, m'ayant laissé chaque fois enceinte de 8 mois, et sans argent pour entrer à l'hôpital. Et vous supportiez tous ces maux avec patience, sans doute? Certainement. Je me suis pourtant suicidé quelques fois. Mais ces cas désespérés ne rapportant rien, je n'ai pas continué. Je suppose que vous ne cachez pas la profession que vous exercez à cette heure. La cacher? Je puis me vanter d'en avoir fait une profession scientifique et soumise à des règles. Soumise à des règles? Votre ignorance m'effraie. Oui, monsieur, il y a plusieurs sortes de puffisme. Les principales sont le puffisme direct, le puffisme préliminaire, le puffisme collatéral, le puffisme collusoire, le puffisme oblique ou puffisme par induction, lesquels puffismes, suivant les circonstances, revêtent les différentes formes d'une lettre à un éditeur, d'une anecdote de circonstance, d'une critique impartiale, d'une observation d'un correspondant ou d'une observation d'un intéressé. Je crois comprendre le puff direct. Oh, bon, il est très simple. Prenons un exemple. Une comédie nouvelle ou une farce doivent être représentées sur un de nos théâtres, lesquels, entre parenthèses, ne donnent pas du nouveau aussi souvent qu'ils le devraient. L'auteur est un monsieur Smecker ou Dapper, ou un de mes meilleurs amis. La veille de la représentation, je raconte comment la pièce a été reçue. Puis l'auteur m'ayant donné communication de l'intrigue, je n'ai plus qu'à ajouter « Les caractères sont bien tracés, très véridiques, écrits de main de maître, sans affectation. C'est une mine d'invention en dialogue sincère et en selle attique. » Le jour de la représentation, j'écris « Monsieur Dood s'est montré étonnamment remarquable dans le rôle de Sir Harry. Quel artiste universel et rempli de jugement que M. Palmer, qui n'a peut-être jamais été meilleur que dans son rôle de colonel. Nous ne trouvons pas d'expression pour rendre justice à M. King. Il méritait plus encore que les explosions d'applaudissements répétés que lui a prodigué un auditoire aussi brillant que connaisseur. Pour ce qui est de la décoration, on reconnaît universellement la miraculeuse habileté du crayon de M. de Lautenbourg. Enfin, nous nous demandions ce qu'il fallait admirer le plus du genre sans rival de l'auteur, du goût et de la libéralité du directeur, de la puissante habileté du peintre ou des incroyables efforts de tous les artistes. Oh, c'est assez bien dit, en vérité. Bon, dites que c'est froid. Tout à fait froid, à côté de ce que je fais quelquefois. Et croyez-vous qu'il y en ait vraiment qui se laissent influencer par cela? Mon Dieu, sans aucun doute. Il y en a si peu qui veulent se donner la peine de juger par eux-mêmes. Et le puff préliminaire? Celui-là se rédige sous la forme d'un avis. Par exemple, nous sommes sur le terrain de la galanterie. Sir Flumsy Gossamer désire être au mieux avec Lady Fanny Fett. Il s'adresse à moi. J'ouvre la tranchée pour lui avec un paragraphe dans le Morning Post. On recommande à la belle et accomplie Lady F de se méfier du dangereux caractère de Sir F.G., qui, si plaisant et si séduisant qu'il puisse être, ne brille certainement pas par la fidélité de ses attachements. En italique. Comme vous le voyez, voilà Sir Flumsy Gossamer recommandé à l'intention particulière de Lady Fanny, qui peut-être n'y avait jamais songé avant. C'est à qui lui donnera le conseil de l'éviter, d'où il résulte qu'elle va mourir d'envie de le voir. Des observations de leur connaissance jettent entre eux un léger embarras, d'où naît une sorte de sympathie, d'intérêt, lequel intérêt, au cas où Sir Flumsy ne l'éprouverait pas effectivement, sert au moins à accoler leurs noms ensemble, d'une façon et dans des conditions tout à fait spéciales. Résultat, 9 fois sur 10, la galanterie moderne y trouvera satisfaction complète. En vérité, sire, vous allez devenir un homme au courant de toutes les affaires. Alors où je vous parle, monsieur, le puffisme collatéral est surtout quelque chose comme l'accessoire des annonces et peut prendre la forme de l'anecdote. Tenez, hier, comme le célèbre Georges Bonmot flânait dans St. James Street, il rencontra la spirituelle Lady Mary Myrtle qui sortait du parc. Bon Dieu, Lady Mary, je suis étonné de vous voir encore sage blanc, car je croyais vous trouver en grand uniforme chamarré, coiffé d'un chapeau clair de cavalier. Par le ciel, Georges, où avez-vous appris cela? Où? Répond notre homme d'esprit. Je viens de voir votre portrait dans la nouvelle publication intitulée Le Camp Magazine, laquelle est par parenthèse une publication tout à fait remarquable, vous savez, venant d'atteindre son 3e numéro. Elle est située à droite, à 2 pas, au coin d'Ivy Lane, Paternoster Row. Coût, 1 schelling. C'est vraiment ingénieux. Le puffisme collusoire est le plus nouveau de tous, car il prend la forme d'une hostilité à toute épreuve. Il est très en faveur auprès des libraires hardis et des poètes entreprenants. Un correspondant indigné, observe que le nouveau poème intitulé « Le cotillon de Belzébuth » ou « La fête champêtre de Proserpine » est une des productions les plus injusticiables qui ait jamais été écrite. La sévérité avec laquelle certains caractères sont traités est absolument choquante. Elle contient des descriptions si chaudement colorées que le honteux empressement que mettent les gens à la mode à l'acheter déshonore le goût du jour et condamne la moralité de notre époque. Vous voyez comme les deux raisons les plus péremptoires sont mises en avant. La première, personne ne doit lire une pareille publication. La seconde, tout le monde l'achète. Grâce à elle, l'éditeur peut hardiment imprimer la deuxième édition avant d'avoir vendu les exemplaires de la première, affirmant le succès par le danger qu'il court d'être attaché au pilori ou d'aller en justice pour scandale et maggiore. Je sais que cela se passe ainsi. Pour ce qui est du puffisme oblique ou puffisme par induction, il est trop varié et a trop d'extensions pour qu'on le puisse expliquer par un exemple. Il s'attaque aux titres et aux patentés. Il est en embuscade pour surveiller une souscription. Il provoque la foule au point de gêner la circulation sur les places publiques. Si, si. Il se plaît à mettre au jour le mérite inconnu avec l'ardeur la plus désintéressée. Il affecte quelquefois la tournure de la critique souriante et du tendre repentir. Il se souvient étonnamment d'un débat parlementaire et s'applique par-dessus tout à en tirer des racontars et à en faire découler des suppositions. Il n'y a pas de petit bénéfice conféré qu'il n'en ait le premier la nouvelle et qu'il ne l'annonce en en faisant honneur au patron qui le procure. Il proclame les promotions à venir avant que les intéressés ne s'en doutent. Il peut indiquer un ruban pour des services implicites, sous la forme d'un bruit public et sans avoir l'air d'y toucher. Faire donner des commandements à des officiers qui n'ont d'autre prétention que de les obtenir. Voici, monsieur, le dernier mode de l'art du puffisme. Un art, vous en conviendrez avec moi, presque noble. Exprimant à quel point l'esprit public est bénévole. Mettant au même niveau le commerce, la galanterie, la critique et la politique. Le succès du génie, l'enregistrement de la charité, le triomphe de l'héroïsme, la défense personnelle des contractants, la réputation des orateurs et la gazette des ministres. Monsieur, vous m'avez complètement converti à l'ingéniosité et à l'importance de votre profession. Une seule chose pourrait augmenter mon respect pour vous. Mettez-moi à même d'assister ce matin à la répétition de votre nouvelle tragédie. Oh, pour l'amour du ciel, ne me parlez pas de cela. Ma tragédie. En vérité, Dangle, je prends cela en mauvaise part. Vous savez à quel point je redoute que l'on m'en soupçonne l'auteur. Je me serais bien gardé de le dire, mais j'ai lu les journaux. Non. Et votre nom est tout entier dans le Morning Chronicle. Non, ces damnés éditeurs ne peuvent pas garder un secret. J'espère, monsieur Sneer, que vous me ferez le grand honneur. Je serai infiniment heureux, très flatté. Je crois qu'il doit être temps. Irons-nous ensemble? Oh non, ce ne sera pas avant une heure, car on est toujours en retard au théâtre. Aussi bien, je vous y retrouverai, car j'ai quelques petits articles à envoyer aux journaux et quelques paragraphes à rédiger avant de m'y rendre. Je n'ai donc pas un moment à perdre. Nous nous retrouverons au foyer. Nous pouvons maintenant démêler nettement à quoi s'attaque Sheridan dans ses comédies de mœurs, avec une indulgence d'ailleurs, une indulgence railleuse, car son tempérament le porte à l'ironie plutôt qu'à la colère d'un Swift ou d'un Pope qui mettent du nerf et de la rage dans leur satire. D'une part, il dénonce le dérèglement de la société. On trouverait les mêmes conclusions, sans doute, dans les comédies de la Restauration. Mais Sheridan est plus proche de nous. Il vit déjà dans une société collective qui a fait démission de sa liberté. C'est moins la licence qu'il attaque que l'absorption de la conscience collective par des puissances habiles qui l'amènent par le bout du nez. D'autre part, Sheridan attaque, et là nous retrouvons la comédie des rivaux, toute la littérature sentimentale qui s'est répandue au XVIIIe siècle en Angleterre et a contribué à édulcorer les consciences en les tournant vers un monde irréel où les propos sont saugrenus, les plaisirs superficiels, les intrigues folles et dangereuses. Mais cette littérature du cœur, elle-même, est née d'une réaction. Elle est la riposte à toute une tendance sarcastique ou cynique des philosophes et des moralistes du siècle précédent. Hobbes en particulier, pour qui l'homme est un loup, Monteville, Congreve. Là encore, Sheridan attaque, et c'est le thème de la célèbre comédie « L'école de la médisance ». La malice humaine adoptée comme système est également un excitant social. Elle stimule l'esprit dans les salons, mais elle dérègle les relations humaines. Elle manœuvre avec des mots qui ne sont que des mots, les hommes et la société. Elle les dénature, les rend plus mauvais qu'ils ne sont et jette sur le monde un voile de suspicion préjudiciable à la bienveillance, à la bonté, à la vertu. Nous allons donner des extraits du deuxième acte de l'école de la médisance et l'on verra dans ces textes, et c'est la leçon de Sheridan, combien il est difficile de faire bonne figure et de rester soi-même dans une société qui a perdu le sens commun par la manie de tout déprécier. la vertu elle-même, celle d'un Sir Peter Tetzel qu'à la scène précédente nous voyons en discussion avec sa femme, cette vertu y paraît bougonne et ennuyeuse, ou encore elle peut prendre le visage de l'hypocrisie, comme chez Joseph Tsurfess, sournoisement sensuel et qui utilise le moralisme austère comme un expédient commode. Nous voulons l'entendre. Oui, oui, l'épigramme, il nous la faut. Mon oncle, ce n'est qu'une plaisante. Non, pardieu, c'est tout à fait remarquable pour une improvisation. Je dois, mesdames, vous raconter dans quelles circonstances cela a été fait. Un jour de la semaine dernière, ayant rencontré Lady Betty Curricle, qui soulevait la poussière de Hyde Park, dans une sorte de phaéton, elle me pria de lui improviser quelques vers sur ses poneys. Je tirai mon portefeuille et composai sur le champ ce qui suit. Jamais on ne vit d'aussi beaux poneys. Les autres chevaux ont des rustres, ceux-ci de petits maîtres. Je ne puis avoir tort en leur donnant ce titre, car leurs jambes sont sveltes et leurs queues longues. Oh, et cela, mesdames, fait en un clin d'œil et à cheval. Ah, c'est phaéton sur sa monture que ce Benjamin. Ah, mon cher monsieur, des bagatelles. Oh, vous m'en donnerez une copie. Lady Teasel, nous aurons le plaisir de voir Sir Peter. Je crois qu'il ne tardera pas à venir présenter ses hommages à votre seigneurie. Maria, mon amour, comme vous paraissez sérieuse. Venez vous asseoir au piquet avec Monsieur Surfus. Les cartes me divertissent peu. Je ferai cependant comme votre seigneurie le désirera. Mr. Surfess prendrait place à son côté. Je croyais qu'il profiterait de l'occasion pour me parler avant la venue de Sir Peter. Oh, je veux mourir! On n'est pas médisant à ce point et je ne veux plus vous voir. Qu'y a-t-il donc, Mrs. Candour? Oh, ils ne veulent pas convenir que notre amie Miss Vermilion soit une jolie femme. Oh, elle est charmante. Je suis enchanté de vous voir de cet avis, madame. Elle a un teint d'une fraîcheur. Oh, oui, et quand le froid l'a saisie. Oh, je jurerais que ses couleurs sont naturelles. Je les ai vues aller et venir. Ah, vous devez en effet les avoir vues aller et venir. Elles s'en vont la nuit pour revenir le matin. Vous l'avez dit, madame. Non seulement elles vont et viennent, mais chose plus curieuse, la femme de chambre peut les aller chercher et les rapporter. Oh, je vous déteste quand vous parlez ainsi. En tout cas, elle a une sœur qui est, ou qui était très belle. Quelle sœur, Mrs. Evergreen? Oh Dieu, elle a 56 ans, aussi vrai qu'elle a une heure. Oh, vous êtes injuste à son égard. Il en a 52 ou 53, tout au plus. Et je ne trouve pas qu'elle en paraisse davantage. Bon, pour la juger sur les apparences, au moins, faudrait-il voir sa figure? En effet, si Mrs. Evergreen se donne la peine de réparer les ravages du temps, il faut avouer qu'elle les répare bien naïvement. Je préfère cela à la maladresse avec laquelle la veuve ocre calfate ses rides. Lady Snirvel, vous êtes sévère pour la veuve ocre. Ce n'est pas qu'elle se maquille mal, mais qu'étant en a fini avec sa tête, elle la fond si maladroitement avec le cou qu'on dirait de ses statures accommodées, où l'œil du connaisseur reconnaît du premier coup que la tête est moderne et le tronc est antique. Bien dit, neveu, bien dit. Oh, vous faites ma joie, mais je vous déteste. Oh. Que pensez-vous de Mrs. Pinter? Ah, elle a de jolies dents. Oh oui, à la condition qu'elle ne parle ni ne rit, ce qui arrive rarement. Qu'elle n'ouvre pas la bouche, qu'elle la laisse seulement entrebâillée comme ça. Oh, comment pouvez-vous être si méchant? Oh, ça vaut mieux que la peine prise par Mrs. Prim pour dissimuler celle qui lui manque sur le devant. Elle serre les lèvres jusqu'à ce qu'elle fasse comme l'ouverture d'une tirelire. Et tous les mots semblent glisser de côté comme ça. Vous portez-vous, voilà. Très bien, Lady Teasel. Je sais que vous avez le droit d'être un peu sévère. Oh, c'est justice de défendre ses amis. Oh, mais voici Sir Peter qui vient gâter notre gaieté. Oh. Madame, votre serviteur. Miséricorde, ici il s'agit de peser ses mots, chaque parole tue une réputation. Je me réjouis de votre venue, Sir Peter. Nous avons été si médisants, et dit-il comme les autres. Oh. Cela doit bien vous affliger, Mrs. Candour. Mais personne ne trouve grâce devant eux, pas même notre amie, Mrs. Percy. Mais quelle était donc la grosse douairière qui se trouvait chez Mrs. Carrill l'autre nuit? Oh, son embonpoint fait son malheur, et la peine qu'elle se donne pour s'en débarrasser devrait lui valoir notre indulgence. Oh, c'est la vérité. Elle ne vit guère que de vinaigre et de petit lait. Il lui faut des poulies pour se lasser. Et souvent, au plus chaud de l'été, on peut la voir sur un poney trapu avec les cheveux au vent comme ceux d'un tambour qui fait le tour du ring au grand trot. Je vous remercie, Lady Tilson, de vouloir bien la défendre. Une jolie défense, vraiment. Ma foi, Lady Tilson est aussi médisante que Miss Salot. Et pourtant, Miss Salot n'a pas le droit de l'être. C'est une niaise et une étourdie qui n'a rien à attendre du ciel. Ah, vous avez tort d'être aussi sévère. Mon mariage m'a fait une parenté avec Michello. Et l'on doit se montrer plus indulgent à son égard qu'envers tout autre. Laissez-moi vous le dire, une femme a tout le désavantage quand elle essaie de passer pour une petite fille de 36 ans. Oh, elle est pourtant belle encore. Les yeux sont un peu faibles, mais il n'y a pas lieu de s'en étonner quand on songe qu'elle passe sa vie à écrire la nuit. Et à écrire comme elle peut le faire. Mon avis est que c'est encore très bien. Sa mère était marchande dans le pays de Galles et son père raffineur à Bristol. Vous êtes vraiment trop bons, tous les deux. Si le diable est bon, s'il en est ainsi de leurs intimes, grâce pour moi. Ah, je ne puis supporter qu'on parle mal d'une amie. Bon, j'en suis sûr. Vous êtes pleine de bienveillance. Mais ça scanderait, moi. Pouvons demeurer assis une heure pour entendre Lady Stocco faire du sentiment. Lady Stocco aime le dessert après dîner. Elle est comme ces fruits de France que l'on casse pour y trouver une devise. Ah, jamais je ne tournerai un ami en ridicule. C'est ce que je répète constamment à ma cousine Huggle, dont vous connaissez tous la prétention à juger sévèrement la beauté. Certainement, d'autant plus qu'elle a la physionomie la plus singulière que j'ai jamais vue. Elle réunit toutes les caractéristiques des différentes parties du globe. Le front est irlandais. Le regard calédonien. Le nez hollandais. Les lèvres autrichiennes. Elle a la complexion d'une espagnole. Et des dents à la chinoise. Enfin, sa figure est comme une table d'eau d'Asparte. Où deux convives ne sont jamais de la même nation. Ou comme un congrès au début d'une guerre générale. On sent que tous ses membres ont un intérêt différent. Les seules parties d'accord sont le nez et le menton. Grâce pour moi, une personne avec laquelle il dîne deux fois par semaine. J'espère que vous ne supprimerez pas la plaisanterie. Laissez-moi vous dire que Mrs. Huggle... Madame, je vous demande pardon. Je n'ai pas la prétention d'arrêter la langue de ces messieurs. Mais Mrs. Candor, quand je vous aurai prévenu que la personne qu'il critique ainsi est une de mes meilleures amies, j'espère que vous voudrez bien ne pas insister. Bien dit, Sir Peter. Mais vous êtes cruel. Étant trop flegmatique pour risquer une plaisanterie vous-même, et trop irritable pour accorder de l'esprit aux autres. Ah, madame, un esprit sincère est plus étroitement lié à une bonne nature que votre seigneurie ne semble le croire. Ah, en effet, Sir Peter, ils sont si proches parents qu'ils ne sauraient s'allier. Supposons-les plutôt mariés, puisqu'ils ne sont jamais ensemble. Mais Sir Peter est tellement l'ennemi de la médisance qu'il faudrait que le Parlement se mêlât de l'exclure. Par la vie, madame. Le jour où l'on voudra bien convenir que jouer avec une réputation a autant d'importance que braconner sur des terres, où l'on se décidera à sauvegarder une renommée comme l'on défend une chasse, ce jour-là, je crois qu'un Bill vaudrait bien des remerciements. Dieu, Sir Peter, voudriez-vous nous priver de nos privilèges ? Oui, madame. Et alors on ne permettrait à personne de tuer une renommée et de fouler au pied une réputation, excepté aux vieilles filles et aux veuves désappointées. Oh, allez, vous êtes un monstre. Je me plais à croire que votre sévérité exclurait ceux qui ne font que rapporter ce qu'ils ont entendu. Non, madame, non. À ceux-là, j'appliquerai le droit commercial. Et si le premier signataire du mensonge demeurait introuvable, les parties lésées auraient la ressource de poursuivre les endosseurs. Pour ma part, j'estime qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Venez, madame, nous jouerons aux cartes dans la pièce voisine. Sir Peter, vous n'allez pas nous abandonner. Votre seigneurie m'excusera. Des affaires particulières me réclament. Mais je laisse ma réputation derrière moi. Certainement. Lady Teazle, votre mari est un être étrange. Je vous raconterai sur son compte bien des histoires qui vous amuseraient fort, s'il n'était pas votre époux. Qu'à cela ne tienne. Venez, je veux les connaître. Maria, je crois remarquer que cette société ne vous satisfait qu'à peine. En vérité, si se moquer des infirmités ou des malheurs de ceux qui ne nous ont jamais rien fait et du domaine de l'esprit et de la belle humeur, puisse le ciel me rendre deux fois stupide. Ils semblent plus méchants qu'ils ne le sont, et leur cœur est sans malice. En ce cas, leur conduite n'en est que plus méprisable. Une méchanceté naturelle et indomptable serait la seule excuse au mal que font leurs langues. Sans doute, madame, j'ai toujours pensé que propager une méchante vérité de gaieté de cœur était plus répréhensible que d'inventer un mensonge par vengeance. Mais serez-vous, Maria, si pitoyable envers les autres et si cruelle avec moi? Me faudrait-il renoncer à la plus tendre passion? Pourquoi m'affliger en revenant sur ce sujet? Oh, Maria, vous ne me traiteriez pas de la sorte. Vous ne résisteriez pas à votre tuteur, à la volonté de Sir Peter, si je n'avais dans ce mauvais sujet de Charles un rival favori. Vous êtes peu généreux. Quels que soient mes sentiments à l'égard de ce malheureux jeune homme, soyez convaincu que je ne choisirai pas pour l'abandonner le moment où il a tout perdu. Même l'amitié d'un frère. Maria, ne me quittez pas ainsi. Par tout ce qui est honnête, je jure. Par ma vie, voilà Lady Teazle. Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas, car bien que j'ai la plus grande estime pour Lady Teazle... Lady Teazle! Sir Peter pourrait soupçonner... Qu'est-ce à dire, la prend-il pour moi? Enfant, on vous demande dans la pièce voisine. Que veut dire tout cela, je vous prie? Oh, une malheureuse circonstance. Maria a mal interprété le tendre intérêt que je prends à votre bonheur et elle menaçait de faire partager ses soupçons à Sir Peter. Je cherchais à raisonner avec elle lorsque vous êtes entrée. En vérité, vous paraissez avoir une façon bien tendre de raisonner. D'habitude, raisonnez-vous à genoux? Oh, c'est une enfant et je n'y voyais qu'une simple plaisanterie. Lady Teasel, quand me donnerez-vous votre opinion sur ma bibliothèque, comme vous me l'avez promis? Je commence à croire que ce serait une imprudence. Vous savez que je vous laisse prendre sur mon faible cœur autant d'empire que le permet la mode. C'est vrai. Je ne suis que le simple amant platonique auquel chaque épouse a droit. Certainement, on ne doit pas se tenir en dehors de la mode. Mais si bon marché que j'ai fait de mes préjugés de province, la mauvaise humeur de Sir Peter ne me contrariera jamais au point de me pousser à accomplir la seule vengeance qui soit en votre pouvoir. J'applaudis votre modération. Vous n'arriverez pas à me persuader. Mais on va s'apercevoir de notre absence. Rejoignons la compagnie. Le meilleur serait de ne pas la rejoindre ensemble. Soit, mais ne demeurez pas. Je vous promets que Maria ne voudra pas entendre la suite de votre raisonnement. Ma politique m'a mis dans un singulier dilemme. Je ne voulais tout d'abord que gagner les faveurs de Lady Teazle, qui ne saurait me nuire dans l'esprit de Maria, et sans savoir comment, me voici devenu son adorateur. Au fond, et ce sera notre conclusion, Sheridan récapitule à la fin des temps classiques tous les essais de la pensée philosophique et morale de l'Angleterre au XVIIe et XVIIIe siècle. Il a vécu à Bath et à Londres, dans une société mondaine, touchée par les courants de pensée et où s'agitaient toutes les ombres qui résultent de l'artifice mondain, le sentimentalisme, le cynisme, la vanité. Comme le Marivaux des romans et des pièces satiriques, il a dévoilé ses excès avec malice et indulgence. Les fautes, les offenses, les inadvertances qui en résultent, il a fait étinceler tous ces actes manqués dans des œuvres qui, à notre époque, ne perdent rien de leur force, car dans cet ordre de la vie frivole, les choses les plus superficielles sont les moins insignifiantes. Des phénomènes comme Puff, comme Joseph Sophès ou Lady Teazle ne sont sans doute que des incidents de la vie de société, mais des incidents qui ont la vie dure, mus eux-mêmes par une loi qui est celle de la société avec sa vanité, son excitation, sa folle émulation. C'est de ces fâcheux, de ces folles qui mènent le monde que Bernard Shaw, un autre Irlandais, dira... Il est vrai, avec plus de misanthropie, nous tuons la meilleure moitié de nous-mêmes pour nous les concilier. Savoir que ces gens sont là pour stériliser toutes nos aspirations suffit à faire taire toutes ces aspirations. Les honnêtes gens sont comme Daniel dans la fosse aux lions. Leur survivance est un miracle. Vos amis sont tous les plus ennuyeux que je connaisse. Ils ne sont pas beaux, ils sont seulement décorés. Ils ne sont pas propres. Ils sont seulement rasés et empesés. Ils ne sont pas dignes. Ils sont seulement habillés à la mode. Ils ne sont pas éduqués. Ils sont seulement des candidats collégiens. Ils ne sont pas religieux. Ils sont seulement abonnés à un banc d'église. Ils ne sont pas moraux. Ils sont seulement conventionnels. Ils ne sont pas vertueux. Ils sont seulement lâches. Ils ne sont pas même vicieux. Ils sont seulement faibles. Ils ne sont pas artistes. Ils sont seulement lascifs. Ils ne sont pas prospères, ils sont seulement riches. Ils ne sont pas loyaux, ils sont seulement serviles. Pas hommes de devoir, mais moutonniers. Pas courageux, seulement querelleurs. Pas déterminés, seulement obstinés. Pas des maîtres, seulement des dominateurs. Sans contrôle sur eux-mêmes, seulement obtus. Sans respect d'eux-mêmes, seulement vains. Pas bons, seulement sentimentaux. Pas sociaux. Seulement grégaires. Ils n'ont pas de considération pour les autres. Ils sont seulement polis. Pas intelligents. Seulement opiniâtres. Pas pour le progrès. Seulement factieux. Pas imaginatifs. Seulement superstitieux. Pas justes. Seulement vindicatifs. Pas généreux. Seulement propitiatoires. Pas disciplinés. Seulement intimidés. Et ils sont sans aucune foi. Tous des menteurs. Jusqu'au tréfonds de leur âme. RTF France 3 Nationale vient de vous présenter une émission de Pierre Cipriot consacrée à Richard Brinsley Sheridan, avec Micheline Boudet, sociétaire de la Comédie Française, Madeleine Barbulé, Anne Chaubeau, Dominique Page, André Cellier, Pierre Delbon, Christian Lude et Jean Mercure. Chef opérateur du son Francis Granal, assistante Nicole Vuillaume, réalisation Georges Gravier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 20 février 1963. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.